بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous allons aborder ce soir سنرى اليوم مسألة Min aham il muhimmat. Nous verrons ce soir un sujet qui fait partie des plus importants. Négligé par beaucoup de personnes. Waqad ikhtartu kitaban min al-musannafat al-mutawwala fi hadha al-bab aw أقصد في أصول أهل السنة والجماعة. Et j'ai donc choisi pour ce soir un livre qui fait partie des livres qui sont longs, de gros livres qui abordent ce sujet, c'est-à-dire le sujet des fondements des gens de Ahl Sunna, des gens de la Sunna et du groupe. Et nous allons voir ce soir un de ces fondements. Ela wa huwa al-ijtima', l'union. Et donc le livre Sharia de l'imam al-Ajuri, rahimahullah, nous allons donc tâcher d'en profiter ce soir et pourquoi pas, dans d'autres assises, si nous en avons la capacité, incha'Allah ta'ala. فالباب الذي نراه اليوم هو الباب الأول في الكتاب. Le chapitre qu'on va voir ce soir, c'est le premier chapitre du livre. L'auteur qui dit باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. Le chapitre, la citation de l'ordre quant à l'application de l'union, quant au fait d'adopter l'union et de délaisser la division. Mais au contraire, le fait de suivre, le suivi du Coran et de la Sunna et des pieux prédécesseurs, et le fait de délaisser les innovations. في هذا العنوان ما يشعر أن الاتباع يكون مقارنا بالاجتماع وأن الابتداع يقارن الفرقة. Il y a dans ce titre choisi par l'auteur, ce qui laisse entendre et comprendre que le suivi, donc le suivi de la vérité, le suivi du Coran, de la Sunna, que le suivi est lié à l'union et que l'innovation est liée à la division. Et on verra cela plus tard lorsqu'on va aborder le sujet. Pourquoi est-ce que les gens de la Sunna ont été appelés les gens de la Sunna et du groupe ? Fayakulu Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullah. Inna Allah azza wa jal bimannihi wa fadlihi akhbarana fi kitabihi amman taqaddama min ahli al-kitabayn al-Yahudi wal-Nasara أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا. Il nous dit, rahimahullah, certes, Allah Azza wa Jal, par ses bienfaits et sa grâce, nous a informé dans son livre concernant ceux qui nous ont précédés parmi les gens des deux livres, les juifs et les chrétiens, qu'ils sont certes tombés dans la perdition lorsqu'ils se sont divisés dans leur religion. Et il nous a informés, et certes notre maître El-Karim, le généreux, nous a informés que ce qui les a menés à la division et au délaissement du groupe, ainsi qu'au fait de pencher vers le faux, c'est ce à quoi ils ont été interdits. Et en effet, cela, c'est el-baryu wal-hasad, c'est-à-dire l'esprit de rivalité, l'injustice et la jalousie. Après qu'ils aient connu ce que les autres ne savaient pas. Et certes, la forte animosité et la jalousie a fait qu'ils sont devenus des groupes, des sectes, et ils sont donc tombés dans la perdition. Alors notre maître, le généreux, nous a mis en garde quant au fait de devenir comme eux et que nous tombions dans la perdition de la même façon qu'ils sont tombés dans la perdition. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ce qui est arrivé au peuple précédent afin que nous délaissions les causes qui les ont menés à la perdition. Parmi ces causes, la division. Il continue l'auteur. Bel amaran Allahu azza wa jal biluzumil jama'a wa nahana 'anil furqa wa kadhalika hadharana an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam al furqa wa amarana biluzumil jama'a wa kadhalika hadharana a'immatuna mimman salafa min 'ulama'il muslimin kulluhum ya'muruna biluzumil jama'a. Il dit, mais Allah Azza wa Jal nous a ordonné le fait d'adopter l'union et nous a interdit la division. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit la division et nous a ordonné le fait d'adopter l'union de la même façon. Les imams parmi ceux qui nous ont précédés parmi les savants des musulmans. Tous, ils ordonnent le fait d'adopter l'union et de délaisser la division. Tous. Fa kullu man salafa min ulama'il muslimin ya'muruna bil uzumi al jama'a wa yanhauna 'anil furqa. Et donc tous ceux qui nous ont précédés, parmi les savants, dont tous les pieux prédécesseurs, parmi les savants musulmans, ils ordonnent au fait d'adopter l'union et de délaisser la division. Et cela est un sujet d'unanimité. لا يجوز لأحد من المسلمين مخالفة هذا الأمر. Il n'est permis à aucun musulman de contredire ce point, de contredire ce fondement. لذا برأ الله نبيه من كل من فرق هذه الجماعة. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a innocenté son prophète de toute personne qui divise ce groupe. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna alladhina farraku dinahum wa kanu shi'a lesta minhum fi shay » Tous ceux qui ont fait de leur religion un sujet de division et qui se sont divisés dans leur religion, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'es pas responsable d'eux. « Bel amarallahu bittajdidi » ala man farraqa hadhihi al-jama'a. Mais au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'adopter la dureté envers ceux qui divisent ce groupe. Wa asarra ala fi'lihi ba'dama sa'ayna ila al-islah. Il nous a ordonné d'adopter la dureté envers ceux qui divisent le groupe après que nous ayons essayé de réconcilier les musulmans et qu'ils persistent sur leurs actes. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in barat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Et certes, si deux groupes des croyants se combattent, alors réconciliez-les. Réconciliez-les. Et si l'un d'entre eux est injuste envers l'autre, et donc après la tentative de réconciliation, ils continuent leur injustice, alors combattez-les jusqu'à ce qu'ils délaissent ce sur quoi ils sont. Combattez le groupe qui est injuste jusqu'à ce qu'ils délaissent ce sur quoi ils sont. فلذلك تجدون أن هذه الفرقة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة تميزوا بمزايا منها الاجتماع. Et voilà pourquoi vous voyez que le groupe sauvé, le groupe de la sunna et du groupe, il se distingue des autres par plusieurs points. Parmi ces points, il y a l'union. Fasummu ahl as-sunnati wal jama'a. Ils furent donc appelés les gens de la sunna et du groupe. Ahl as-sunna litamassukihim bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarhamukallah. Les gens de la sunna, à cause de leur attachement, leur fort attachement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-jama'a. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها هي الفرقة. Ils furent appelés al-jama'a parce que ils furent appelés le groupe parce que le groupe c'est l'union, parce que le groupe c'est l'union et que son contraire c'est la division. C'est donc un groupe qui s'efforce et qui appelle à l'union. Les gens de la sunna. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit: فَإِنْ قَالَ قَائِلْ فَذْكُرْ لَنَا ذَلِكَ لِنَحْذَرَ مَا تَكُولُ لِنَحْذَرَ مَا تَكُولُهُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لَنَا إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ. Et si quelqu'un nous dit: Est-ce que tu peux nous citer cela, afin que nous puissions nous en méfier. Et Allah, certes, est celui qui accorde la réussite vers la voie de la guidée. Allah, tabaraka wa ta'ala, est celui qui accorde la réussite vers la voie de la raison. Qil lahu. C'est Azkuru min dhalika ma hadarani dhikruhu. Mablagu ilmi. Mablagu ilmi alladhi allamani Allahu azza wa jal. نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين والله الموفق لما قصدت والمعين والمعين عليه إن شاء الله. Il répond à cette question en disant: je vais citer ce dont je me rappelle et ce dont ma science et ce que je possède comme science de ce que Allah Azza wa Jal m'a accordé. Et ça en toute honnêteté envers mes frères parmi les adeptes du Coran, les adeptes et les adeptes du Hadith, et les adeptes du Fiqh, et les autres parmi les musulmans. Et Allah est certes celui qui accorde la réussite à ce que j'ai intention, à ce que je veux faire, et c'est celui qui aide et qui secourt, inshaAllah, et qui accorde le secours, inshaAllah ta'ala. Anzuru ila tawadu'i hadha al-imam. Regardez donc le caractère humble de cet imam. qui montre clairement que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite et qui aide dans tout ce que nous faisons. Et ce qu'il a l'intention de faire quant au fait de montrer aux gens les fondements du groupe sauvé. Quant au fait de montrer aux gens la voie de vérité. Par ce livre qu'il a écrit, Al-Sharia. Farahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatan wasi'a. Ensuite, il dit, qu'Allah Allah ta'ala. Et maintenant, il commence à citer les preuves. Et ici, on va lire plusieurs versets, Inch'Allah ta'ala. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Baqarah, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les gens formaient une seule communauté. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes. Dans le tafsir, comme on l'a déjà vu ici dans cette mosquée, les gens formaient une seule communauté. Puis, ils se sont divisés. Alors, Allah a envoyé les prophètes, annonciateurs d'une bonne nouvelle, mettant en garde contre un châtiment terrible, et il a fait descendre avec eux les livres, avec toute vérité, pour qu'ils jugent d'entre les gens de ce sur quoi ils divergèrent. Et seuls ceux à qui il fut donné le livre, seuls ceux-là ont divergé après que l'éclaircissement leur fut parvenu. Et ce, en toute injustice. Et esprit de rivalité entre eux. Et Allah accorde la guidée à ceux qui ont cru concernant ce sur quoi ils divergèrent. Par sa volonté. Et Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut vers une voie de rectitude. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi, Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka la minal mursalin. Voilà certes les versets d'Allah que nous récitons sur toi en toute vérité. Et tu fais partie des prophètes. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Et voici les messagers. Certes, nous en avons favorisé certains au-dessus des autres. Et il y a parmi eux certains à qui Allah a parlé. Et il a élevé certains en degré. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhi al-qudus. Et nous avons accordé à Isa, le fils de Maryam, les éclaircissements, al-bayyinat, et nous l'avons soutenu par l'Esprit Saint, c'est-à-dire Jibril. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا. Et si Allah voulait, il ne se serait pas combattu. Et si Allah voulait, ceux qui sont venus après eux ne se seraient pas combattus après que les éclaircissements leur furent parvenus. Cependant, ils divergèrent. Il y a parmi eux ceux qui ont cru et parmi eux ceux qui ont mécru. Et si Allah voulait, il ne se serait pas combattu, mais Allah fait ce qu'il veut. Encore une fois, ce verset-là aussi, comme les autres qu'on a lu précédemment, montre ce caractère. Hada yubayyinu lana hadhihi sifah. Cela nous montre ce caractère qui est présent chez eux et qui est la divergence, le fait de diverger. Et qu'ensuite, cela les a menés à la perdition. L'auteur, il continue en disant, Allah, il dit dans Surat Ali Imran, Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion agréée par Allah est l'islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et les gens à qui le livre a été donné n'ont divergé que après que la science leur fut parvenue. Et ce, en toute injustice et esprit de rivalité entre eux. Et quiconque mécroit au verset d'Allah, alors Allah est prompt à rendre des comptes. Ici, on voit encore un point important. أنهم اختلفوا بعدما جاءهم العلم بغيًا. Ils ont divergé après que la science leur fut donnée. En toute injustice, esprit de rivalité. Comme on peut trouver chez beaucoup. هذا تعلم قليلا. Celui-ci l'a étudié un peu. Celui-ci l'a étudié un peu. Et la jalousie qui monte. Parce que c'est moi qui dois être le mufti de la France. C'est moi qui dois être le mujaddid de la da'wa salafia en France. Et que si c'est pas moi, alors je te fais la guerre. Un esprit de rivalité totalement caduque. Et qui mène à l'échec total. La division, les jeunes qui ne comprennent plus, qui ne savent plus où mettre les pieds. Pourquoi ? À cause de cet esprit de jalousie. Tu as étudié un peu, quelques livres et ça y est, tu veux être celui qui commande, celui qui mène les autres. Tu imposes aux autres ton avis. Non, cela ne se passe pas comme cela, barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur, il continue, rahimahullah, il dit, wa qala ta'ala fi surati al-an'am. Et Allah, il dit dans surat al-an'am, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Certes, ceux qui ont fait de leur religion un sujet de divergence et qui sont devenus des groupes et des sectes, tu n'es pas responsable d'eux. Et certes, leur jugement et leur sort revient à Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a cité précédemment, a innocenté son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui divisent la communauté. Kama kunna sabiqan, Allah barra anabiyahu mimman yufarriqu al-muslimin. Fa hadha yadulluna ala khatari hadha al-amr. Et cela nous montre le danger de ce sujet, le fait de diviser la communauté. وقال تعالى في سورة يونس الله يدي في سورة يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Certes, nous avons placé les enfants d'Israël dans un endroit agréable et nous leur avons accordé comme subsistance de bonnes choses. Mais ils ne divergèrent que après que la science leur fut parvenue. Et certes, ton Seigneur jugera d'entre eux au jour de la résurrection concernant ce sur quoi ils divergèrent. Encore une fois, après que la science leur fut parvenue, ils divergèrent. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف سكين فولو بارلا سورة الشورى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Et ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut parvenue en toute injustice et esprit de rivalité entre eux. Et si ce n'était pas une parole préalable venant de ton Seigneur, déterminant un retard du terme fixé, c'est-à-dire le châtiment, alors on aurait déjà tranché les concernant. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Et certes, ceux à qui on a fait hériter le livre après eux sont certes dans un doute troublant. وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. الله تبارك وتعالى il dit dans سورة البينة ici: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينة. Et ceux à qui le livre a été donné ne divergèrent que après que l'éclaircissement leur fut donné, leur fut parvenu. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et ils ne furent ordonnés que d'adorer Allah seul en lui accordant un culte exclusif, hunafa, c'est-à-dire ceux qui se tournent entièrement vers Allah et délaissent toute autre chose, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône. Ceci est la religion de rectitude. فَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذِهِ الْآيَاتِ كُلَّهَا لِبَيَانِ أَمْرٍ عَظِيمٍ أن الله تبارك وتعالى وصف لنا اليهود والنصارى حتى لا نتشبه بهم. L'auteur, il nous a cité tous ces versets qu'on lit régulièrement quand on lit le Coran, quand on vient à la mosquée, la salat, pour nous montrer des caractéristiques des gens, des juifs et des chrétiens, ces caractéristiques qui les ont menés à l'égarement, afin qu'on ne leur ressemble pas, afin qu'on ne se divise pas, afin qu'on reste unis. Il dit, rahimahullah ta'ala, après cela, فَأَعْلَمَنَا مَوْلَانَ الْكَرِيمُ أَنَّهُمْ أُوتُوا عِلْمًا فَبَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَحَسَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى أَخْرَجَهُمْ ذَلِكَ. Il dit, notre maître, le généreux, nous a informé que certes, il leur fut donné la science. Alors, ils se sont mutuellement fait injustice par esprit de rivalité et se sont mutuellement jalousés jusqu'à ce que cela les fasse sortir vers la division, jusqu'à ce que cela les mène à la division. Et ensuite, ils sont tombés dans la perdition. Comme on peut voir, actuellement, à notre époque, un tel l'a appris ici, un tel l'a appris 2 ans, 3 ans, 4 ans, on revient en France, c'est la guerre. Yahya, venez, on essaie de s'entraider. Non. On essaie de s'entraider, les frères. Non. C'est la guerre. Non. Au contraire, tu as appris un peu. Si tu as appris un minimum, tu devrais comprendre ce fondement essentiel. L'union. Tu devrais comprendre ce fondement essentiel. Ensuite, il continue et il dit: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَيْنَ الْمَوَاضِعُ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي فِيهَا نَهَانَا اللَّهُ تَعَالَى أَن نَكُونَ مِثْلَهُمْ حَتَّى نَحْذَرَ مَا حَذَّرَنَا مِنَ الْفُرْقَةِ بَلْ نَلْزَمَ الْجَمَاعَةِ. Il nous dit donc, et si une personne vient en disant, et où sont les passages dans le Coran qui contiennent le fait que Allah nous a interdit, que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'être comme eux. Donc là, on a vu les caractéristiques des gens qui nous ont précédés. La personne, elle demande, mais ils sont où les passages du Coran maintenant qui nous montrent qu'on ne doit pas être comme eux? Où sont les passages qui nous montrent qu'on ne doit pas être comme eux, afin que l'on puisse se méfier de ce dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde, telle que la division, mais que au contraire nous adoptions l'union. Qil la qala Allah ta'ala fi sourati Ali Imran. Alors à ce moment-là, on répond à cette personne en disant, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans sourate Ali Imran: ya ayyuhalladhina amanu. L'auteur ici, il a cité une partie du verset. On va le citer entièrement inshallah ta'ala, parce qu'il y a certains profits importants à citer. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en pleine soumission. « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. » Et accrochez-vous tous au câble d'Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, le Coran, la Sunna, c'est avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la tafarraku. Et ne vous divisez pas. Wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il a lié vos cœurs et qu'il a placé de l'harmonie entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Alors, par ses bienfaits sur vous, vous êtes devenus des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Alors que vous étiez aux abîmes du feu. Alors que vous étiez aux portes de la... Alors que vous étiez aux abîmes d'un feu. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Alors Allah vous a sauvé de ce feu, de l'enfer. Et comme cela, Allah vous montre clairement ces signes, ces versets, afin que vous suiviez la guidée. Afin que vous suiviez la guidée. Et il continue Allah tabaraka wa ta'ala wa takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne, qui appelle au bien, un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdise le blâmable. Et ceux-là sont ceux qui réussissent. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les éclaircissements leur furent parvenus. Et ceux-là ont un châtiment terrible. Et donc, Sourate Ali Imran, du verset 102 jusqu'au verset 105. Fi hadhihi al-ayat, anna Allah tabaraka wa ta'ala amarana bil-ijtima'. Il y a dans ces quelques versets qu'on vient de voir le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné l'union. Wa لَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِجْتِمَاعَ عَلَى الْبَاطِلِ. Il ne nous a pas ordonné l'union sur le faux. C'est-à-dire que chacun vient avec son idéologie, chacun vient avec sa voix qu'il a inventée, mais on doit rester unis. لَا لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ لَابُدَّ أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons absolument nous unir sur ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, nahana anit tafarruq. Troisièmement, il nous a interdit la division. Il nous a interdit la division. Quatrième point, et un point essentiel aussi que beaucoup ne voient pas. Wa huwa amrun dhakarahu Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Et c'est un point que le Cheikh Ibn Uthaymeen a cité rahimahullah. Huwa anna ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التفرق. C'est que le fait de délaisser, le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal, cela est une cause de la division. Cela est une cause de la division. Et c'est pour cela que Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, il a dit une fois à Médine, il a dit, lors d'une assise avec justement les étudiants francophones. Une assise avec les étudiants francophones. Il a dit, Hafidahullah, min akbari asbab at-tafarruq as-sukut an ahli al-ahwa. Parmi les plus grandes causes de la division, le fait de se taire face aux gens du faux. Le fait de se taire face aux gens du faux. Lorsqu'il y en a un qui explique aux gens la vérité, et que les autres, حِنَمَا يَكُونُ وَاحِدْ يَكُومُ بِبَيَّنِ الْحَقْلِ النَّاسِ وَالْآخَرُونَ يَسْكُتُونَ النَّاسِ لَا يَفْهَمُونَ. Lorsqu'il y en a un qui explique aux gens la vérité et que les autres qu'ils se taisent, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et donc, parmi les causes de la division, le fait de se taire et de ne pas expliquer la vérité. فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ رَدُّنْ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ. Il y a dans ces versets une réplique aux deux groupes. الَّذِينَ فَرَّقُوا الْمُسْلِمِينَ. Ceux qui ont divisé les musulmans. بِالْبَغْيِ وَالْحَسَدِ. Par la jalousie et l'injustice. وَالَّذِينَ فَرَّقُوا الْمُسْلِمِينَ بِسُكُوتِهِمْ عَنِ الظَّالِمِينَ. Et une réplique à ceux qui ont divisé les musulmans lorsqu'ils se sont tus face aux injustices des injustes. Alayna an natakallama bil haqq. Nous devons parler en toute vérité. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, on ne va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire tout le chapitre. Je ne vais pas faire tout le chapitre. Mais on a encore quelques passages à voir. Et bi'idnillah, après je vais pouvoir vous laisser partir. Je sais que le dimanche, on ne fait pas aussi long que le samedi. Ensuite, il dit l'auteur, wa qala ta'ala fi surati al-an'am. Allah ta'ala, il dit dans surati al-an'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Alors, suivez-le et ne suivez pas les et ne suivez pas les autres voies qui vont vous diviser et vous éloigner de son chemin. Qui vont vous diviser et vous éloigner de son chemin. Voilà ce qu'il vous a recommandé afin que vous puissiez atteindre la piété. Et taqwa. Wa qala ta'ala fi surati Hamim Ayn Sin Kaf. Allah ta'ala il dit donc dans sourate Ash-Shura comme on a dit tout à l'heure, shara'a lakum min ad-din. L'ifkar là, ce verset est très important. Très très important. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Il vous a légiféré dans la religion, ce qu'il a recommandé à Nuh, et ce qu'il a révélé, et ce qu'il t'a révélé, et qu'il a recommandé à Ibrahim, Moussa et Issa, d'appliquer cette religion correctement, un akimuddin, et de ne pas en faire un sujet de division, et de ne pas vous diviser dans cette religion. Ce à quoi tu appelles les polythéistes, leur paraît lourd et énorme. Certes, Allah choisit qui il veut. Allah choisit et rapproche vers lui qui il veut. Allah guide qui il veut. Allah tabaraka wa ta'ala guide vers lui celui qui vient repentant. Wa qala ta'ala fi surat ar-Rum. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans surat ar-Rum, munibina ilayhi. Venez vers lui repentant. Wattaqu et craignez-le. Wa aqimus salat et accomplissez la salat. Wa la takunu minal mushrikin. Et ne faites pas partie des polythéistes. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Parmi ceux qui ont divisé, qui ont fait de leur religion un sujet de division et qui sont devenus des groupes, des sectes. Chaque secte est heureuse et fière de ce qu'elle détient. L'auteur, il nous dit ensuite, rahimahullah, et c'est le dernier point qu'on va voir, il nous dit, فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عند الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة. Il dit, est-ce qu'il y a dans l'éclaircissement un élément qui rassasie plus que cela? C'est-à-dire un élément qui suffit plus que cela auprès de ceux qui comprennent, la parole d'Allah Ta'ala et qui y méditent. Et qui méditent sur ce sur quoi Allah leur a mis en garde. Allah leur maître, le généreux, leur a mis en garde tel que la division. Après qu'on ait lu tous ces versets, est-ce que hal ba'da hadhihi al-ayat kulliha la nafham ahamiyat al-ijma? Rappelez-vous le verset que je vous ai dit qui est important. Allah tabaraka wa ta'ala qui a rendu légiféré et qui a recommandé aux messagers an aqimud din wala tatafarraqu fi. Appliquez la religion et ne vous divisez pas dans celle-ci, dans la religion. Madha yufham min hadhihi al-aya? Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Yufham minha أن الأنبياء مجمعون على هذا الأمر. Et que les prophètes sont unis, sont tous unanimes sur cela, le principe de l'union. وأن هذا الأصل لا يختص به أمة محمد. La communauté de Mohammed n'est pas la seule à avoir ce fondement. بل جميع الشرائع السابقة toutes les communautés précédentes, toutes les législations précédentes avaient ce fondement qui est l'union. Et cela va encore plus appuyer le fait que cela fait partie des fondements de la religion. Après qu'on ait écouté cela et qu'on ait compris que ceci est un fondement de notre religion, je vais vous faire écouter une parole, une conversation téléphonique. Pourquoi ? D'habitude, je ne cite pas de nom. D'habitude, s'il y a des erreurs, en général, je ne cite pas de nom ici dans les cours que je fais à la mosquée. Al-ghalib anna hadhihi ad-durus fil masjid ana la usammi ahadan. Lakin ba'dama barat hadhihi al-firqa wa zalamat wa farraqat al-muslimin fi biladin shatta la budda min at-ta'yin. Et donc cependant, après que ce groupe, cette secte a exagéré, a dépassé les limites, a été injuste et a divisé les musulmans dans plusieurs pays, il est impératif de citer les noms. Pourquoi ? Hatta yahdhar al-muslimun min al-ittisab min at-tashabbuh bihim, afin que les musulmans plus puissent se méfier du fait de ressembler à ces gens. Kama anna Allah tabaraka wa ta'ala hadharana min at-tashabbuh bil yahudi wa an-nasara. De la même façon que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens. Je vous laisse donc écouter l'audio qui suit et je le commente pour finir le cours, inshallah. ان شاء الله ابلغهم كلامك ولعلك اتصلت بالشيخ. والله ما حصل، انا اتصل بنا بالعمل حاضر غدا في النهار والعصر. لا انا ابلغهم كلامك يا شيخ. انا ابلغهم كلامك. بلغوا قل له لا ما تدري. بل جلوسكم معهم إفادة لهم، سيستغلونه في زيادة التلبيس على الناس، ويوضع موقفكم أنتم والله، وما هم براجعين. فسمعتم في هذه الصوتية الدكتور محمد بن هادي المدخلي في مكالمة هاتفية مع الداعية الأزهر سينيكرا الجزائري، يتكلمون عن الفتنة التي حصلت في الجزائر بين المشايخ. Vous avez entendu dans cet audio une conversation téléphonique entre le docteur Mohamed ibn Hadi El Medkhali et le prédicateur Lazhar Sinikra d'Algérie qui parlait d'une fitna, d'une division qu'il y a eu entre les méchéirs d'Algérie. Entre les méchéirs d'Algérie. Fa'ulama'un al-kibar. كانوا يأمرون المشايخ في الجزائر بالجلوس والاجتماع والإصلاح وكل يتراجع عن خطئه. Et nos grands savants, tels que Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, ils appelaient les mécheikhs en Algérie à s'asseoir ensemble et à résoudre le problème. Que chacun s'asseoir, vous vous asseyez ensemble. Vous allez vous réunir, vous allez, chacun va revenir de son erreur, chacun explique à l'autre ses erreurs, et chacun revient de ses erreurs. Et ensuite, vous vous réconciliez. Et on arrête la division. Pourquoi est-ce que nos ulama, ils faisaient cela? Pourquoi est-ce que ulama al-sunna, pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? لِأَنَّ هَؤُلَى يَسِيرُونَ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ. Parce que ces imams, ces savants, ils suivent la voie des pieux prédécesseurs. Rappelez-vous la parole de Al-Ajouri qu'on a lue au début du cours, quand il a dit « Kulluhum ya'muruna bidhalik » Tous, tous les imams qui nous ont précédés dans cette communauté, parmi les imams des musulmans, ils appellent à l'union et mettent en garde contre la division. Et donc, nos imams, tels que Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, ils ont appelé les méchirs d'Algérie à s'asseoir ensemble et à résoudre le problème. Pourquoi? Parce que c'est ça la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Khilafan li tariqati Ahlil Bid'i wal Ahwa. Contrairement à la voie des gens de la division, excusez-moi, contrairement à la voie des gens de l'innovation et de la passion. فَمَاذَا فَعَلَ مُحَمَّدْ بِنْ هَدِي فِي هَدِي سَوْتِيَا. Qu'est-ce que le docteur Mohamed Ben Hadi a fait dans cet audio que vous avez entendu? قَالَ لِلَزْهَرْ كُلَّهُمْ لَا تَجْلِسُوا مَعَهُمْ. Dis-leur, dis aux méchéirs, à certains méchéirs, donc un groupe, parce qu'ils se sont divisés en deux groupes, dis à ceux-là de ne pas s'asseoir avec les autres. De ne pas s'asseoir avec les autres. D'un côté, tu as des ulama qui appellent à l'union, et de l'autre, il y a un autre qui appelle les autres à se désunir. Ne vous asseyez pas avec eux. La tajlisu ma'ahum. Hadihi tariqatu ahli sunna. C'est ça la voix des gens de la sunna. Hakadha nufarriku bayna al-muslimin. Et c'est comme ça, on divise les musulmans. Certaines personnes ne comprennent pas. Ils me disent, Abdelkarim, on te voit tous les jours, on voit que. Yanni, t'es pas quelqu'un de méchant, t'es pas quelqu'un de dur. Mais quand tu abordes ce sujet, là, tu sors les crocs. J'ai dit, Naam, nahnu nushaddidu ala kulli man yufarriku bayna sufuf al-muslimin. Bayna al-muslimin nushaddidu alayhim. Oui, on applique la dureté envers toute personne qui divise les musulmans. Ne vous asseyez pas avec eux. Et à la fin, il finit en disant, Mahum biraji'in. Il le répète une deuxième fois. Mahum biraji'in. Hadha ma'rouf. Il dit, ne vous asseyez pas avec eux. Ensuite, à la fin, il dit, ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir. C'est-à-dire, ils ne vont pas revenir de leurs erreurs. Ils ne vont pas revenir de leurs erreurs. Ça, c'est connu. Ajib. Ajib. Ma'alimna. أحداً من علماء أهل السنة يتكلم بهذه الطريقة في أمور الغيب. On n'a connu aucun des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a parler d'une telle façon sur des sujets liés à l'invisible. Jamais. Hakada. Ils ne vont pas revenir. Man akhbarak? Qui t'a informé? Est-ce que tu as pris un engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala? Man akhbarak? لو سلمنا انهم اخطأوا si bien entendu on admet qu'ils se sont trompés. Et donc ne vous asseyez pas avec eux. Pourquoi ne vous asseyez pas? Parce qu'ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas de toute façon ils ne vont pas revenir. C'est connu, hadha ma'ruf. Ma'ruf indaman, c'est connu chez qui? Falidhalika nahnu ayyuha al-ahibba. Et c'est pour cela que je le dis, j'applique la dureté envers toute personne qui vient diviser les rangs des musulmans et qui n'acceptent pas le conseil des grands imams de cette communauté. Vous avez entendu cet audio, cette conversation durant laquelle il appelle à la division. Il appelle clairement à la division. Voilà pourquoi je vous mets tous en garde contre ce groupe qui a apparu récemment et qui continue à diviser les musulmans en Algérie, en France, au Maroc, en Libye, en Saoudie, et j'en passe. Fahdharu, fahdharu, wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli ma fihi ridha. إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا